à mes lectures. Je vais tout brûler, c'est sûr. Les jours passés, les ordures qui pullulent et polluent mon futur. Les semaines passées, les putains de mon avenir incertain. Tous mes amours et mes chagrins vont s'éclipser un beau soir de juin. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Me lever sous les couvertures. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Adieu l'ami, adieu l'amour. Les misères de ma planète bientôt vont gicler ses nettes. Les années passées, les miettes vont s'enflammer comme des allumettes. Les photos collectionnées depuis 2 douzaines d'étés. Non, je ne vais pas les enterrer, mais plutôt les poster sur eBay. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Me lever sous les couvertures. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Adieu l'ami, adieu l'amour. Quelle jolie résolution, c'est ma solo révolution. Terminer le jeu de con qui tourne et gote tout autour du pion. Car entre mes omoplates s'éveille un frisson d'éclate. Les ailes me poussent, les ailes m'épatent. Elles vont réveiller mes zygomas. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Me lever sous les couvertures. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Adieu l'ami, adieu l'amour. C'est défini, demain je change de vie. Me lever sous les couvertures. C'est décidé, c'est défini, demain je change de vie. Adieu l'ami, adieu l'amour.